Le dimanche qui suivit était jour de Pâques. Adèle était partie à la messe dans la voiture de monsieur Alphonse. Je restai seul avec un laboureur pour garder la ferme. Après le déjeuner, l'homme se coucha sur un tas de paille devant la porte, et moi j'allais me cacher dans mon buisson. Je cherchais à entendre le son des cloches, mais la ferme était trop éloignée des villages et aucun son ne venait jusqu'à moi. Ma pensée s'en alla vers sœur Marie-Aimée. Je pensais aussi à Sophie qui venait me réveiller chaque année pour que je puisse entendre toutes les cloches de la ville qui sonnaient Pâques en même temps. Il lui était arrivé une année de ne pas se réveiller. Elle en eut tant de regrets que l'année suivante, elle mit un gros caillou dans sa bouche pour s'empêcher de dormir. Chaque fois qu'elle se laissait aller au sommeil, ses dents portaient sur le caillou et elle se réveillait aussitôt. Je pensais aussi à la grand-messe où Colette chantait à pleine voix. Je revoyais la débandade sur les pelouses et l'air tout affairé de sœur Marie-Aimée s'occupant du grand repas des fêtes. Et ce soir, au lieu du visage fin et aimant de sœur Marie-Aimée, je verrai la figure ingrate de madame Alphonse et les yeux luisants de son mari qui me faisaient tant peur. Et en pensant qu'il me faudrait rester encore longtemps à la ferme, je me laissai aller à un profond découragement. Quand je fus lasse de pleurer, je vis avec surprise que le soleil avait beaucoup baissé. Au travers des branches du buisson, je voyais s'allonger sur le pré les ombres longues et minces des peupliers. Et plus près de moi, je vis aussi une grande ombre qui bougeait. Elle s'avançait, puis s'arrêtait, et s'avançait de nouveau. Je compris tout de suite que quelqu'un allait passer devant ma cachette, et presque aussitôt, l'homme à la blouse blanche entrait dans le buisson, en se baissant pour éviter les branches. J'en ressentis un grand froid par tout le corps. Cependant, je me remis très vite. Mais il me resta un tremblement nerveux qu'il me fut impossible de dissimuler. Lui restait debout devant moi, sans parler. Je regardai la douceur qui était dans ses yeux, et je sentis revenir la chaleur dans mon corps. Je remarquai qu'il portait, comme Eugène, une chemise de couleur et une cravate nouée sous le cou, et quand il parla, il me sembla que je connaissais sa voix depuis longtemps. Il s'était appuyé contre une grosse branche en face de moi, et il me demanda s'il ne me restait plus de parents. Je répondis que non. Il fit glisser entre ses doigts une branche couverte de jeunes pousses, et sans me regarder, il dit encore « Alors, vous êtes seul au monde ?» Je répondis vivement « Oh non, j'ai sœur Marie-Aimée. » Et sans lui laisser le temps de me questionner, je dis combien je l'aimais et avec quelle impatience j'attendais le moment où je pourrais la rejoindre. J'étais si heureuse de parler d'elle que je ne m'arrêtais plus. Je disais sa beauté et son intelligence, qui me semblait au-dessus de tout. Je disais aussi son chagrin le jour de mon départ, et j'imaginais sa joie le jour où elle me verrait revenir. Pendant que je parlais, il avait les yeux fixés sur mon visage, mais son regard semblait voir beaucoup plus loin. Après un silence, il me demanda encore « Est-ce que vous n'aimez personne ici ?»« Non, dis-je, tous ceux que j'aimais sont partis. » Et j'ajoutai avec un peu de rancune. Jusqu'à Jean le Rouge qu'ils ont chassé. Pourtant, dit-il, madame Alphonse n'est pas méchante. Je répondis qu'elle n'était ni méchante ni bonne, et que je la quitterais sans regret. À ce moment, on entendit crier les roues de la voiture de monsieur Alphonse qui rentrait, et je me levai pour partir. Il s'effaça un peu pour me laisser passer, et je le laissai seul dans le buisson. Le soir, je profitai d'un moment de bonne humeur d'Adèle pour lui demander si elle connaissait les laboureurs du Gai perdu. Elle me répondit qu'elle connaissait que les plus anciens, car depuis que madame Deloye était veuve, les nouveaux ne restaient pas longtemps chez elle. Une crainte que je n'aurais pu expliquer m'empêcha de parler du jeune homme à la blouse blanche, et Adèle ajouta en remuant le menton. « Heureusement que son fils aîné est revenu de Paris, les laboureurs seront moins malheureux. » Le lendemain, pendant que madame Alphonse travaillait à sa dentelle, je cousais en pensant au laboureur à la blouse blanche. Je ne pouvais le séparer d'Eugène dans ma pensée. Il s'exprimait comme lui, et je leur trouvais un air de ressemblance. Vers le soir, je crus le voir passer devant les écuries, et la minute d'après, il s'arrêtait sur le seuil de la lingerie. Ses yeux passèrent sur moi pour se poser sur Madame Alphonse. Il tenait la tête haute et sa bouche fléchissait un peu du côté gauche. Madame Alphonse dit d'une voix traînante en le voyant. « Tiens, voilà Henri. » Il se laissa embrasser sur les deux joues. Puis elle indiqua une chaise à côté d'elle. Mais lui s'assit un peu de travers sur la table en repoussant la toile. Comme Adèle passait, Madame Alphonse lui dit « Si vous voyez mon mari, dites-lui que mon frère est ici. » Je mis quelques instants à comprendre. Puis je devinai brusquement que c'était lui le fils aîné de Madame Deloye. Une honte que je n'avais pas encore connue me fit rougir violemment, et un immense regret me vint d'avoir parlé de sœur Marie-Aimée. Il me sembla que je venais de jeter au vent la plus belle chose que je possédais, et malgré tous mes efforts, je ne pus retenir deux larmes qui s'accrochèrent à ma bouche avant de tomber sur la toile fine que j'ourlais. Henri Deloye resta longtemps sur le coin de la table. À chaque instant, je sentais son regard sur moi, et c'était comme un poids lourd qui m'empêchait de relever le front. Deux jours après, je le retrouvai dans le buisson. En le voyant assis sur le houx, il me vint une grande faiblesse dans les jambes et je m'arrêtai. Il se leva aussitôt pour me céder la place, mais je restai à le regarder. Il avait dans les yeux la même douceur que la première fois, et comme s'il attendait que je lui raconte une nouvelle histoire, il demanda « N'avez-vous rien à me dire ce soir ?» Toutes les paroles qui me vinrent à l'esprit me semblèrent inutiles, et je fis non de la tête. Il reprit. « J'étais votre ami l'autre jour. » Ce souvenir augmenta mon regret, et je répondis seulement. « Vous êtes le frère de Madame Alphonse. » Je le quittai et n'osai plus retourner dans le buisson. Il revint souvent à Villevieille. J'évitais de le regarder, mais sa voix me causait toujours un profond malaise. Depuis que Jean le Rouge était parti, je ne savais que faire de mon temps après la messe. Chaque dimanche, je passais devant la maison de la colline. Parfois, je regardais à travers les fentes des contrevents. Et quand il m'arrivait de heurter le bois avec mon front, il rendait un son qui me faisait reculer tout effrayé. Un dimanche, je remarquai que la porte n'avait pas de serrure. J'appuyai le doigt sur le loquet, et aussitôt la porte s'ouvrit avec un grand bruit. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle s'ouvrît si vite, et je restai là, avec l'envie de la refermer et de m'éloigner. Puis, comme le bruit avait cessé et que le soleil était tout de suite entré en faisant un grand carré de clarté, je me décidai à rentrer aussi en laissant la porte ouverte. La grande cheminée n'avait plus sa crémaillère ni ses hauts landiers. Il ne restait dans la salle que les épaisses rondelles de bois qui avaient servi de siège aux enfants de Jean le Rouge. L'écorce en était usée, et le dessus était poli et comme ciré, à force d'avoir servi. La deuxième chambre était complètement vide. Elle n'était pas carrelée, et sur la terre battue, les pieds des lits avaient creusé des trous. La porte du fond n'avait pas non plus de serrure, et je me trouvais bientôt dans le jardin. Les plates-bandes conservaient encore quelques légumes d'hiver, et les arbres à fruits étaient en fleurs. La plupart étaient très vieux. Plusieurs étaient devenus bossus, et leurs branches s'abaissaient, comme si elles trouvaient que les fleurs mêmes étaient trop lourdes à porter. Au bas du jardin, la colline s'évasait, en pente douce, jusqu'à une immense plaine où paissaient des troupeaux, et tout au bout, une rangée de peupliers faisait comme une barrière qui empêchait le ciel d'entrer dans la plaine. Peu à peu, je reconnaissais chaque endroit. Voici la petite rivière au bas de la colline. Je ne vois pas l'eau, mais les saules ont l'air de se ranger pour la laisser passer. Elle disparaît derrière les bâtiments de Villevieille, dont les toits sont de la même couleur que les châtaigniers, et la voilà de l'autre côté. Elle brille par endroits entre les minces peupliers. Puis elle s'enfonce dans ce grand bois de sapins qui paraît tout noir et qui cache le gué perdu. C'est le chemin que Madame Alphonse m'a fait suivre pour aller chez sa mère. Son frère avait dû venir par le même sentier, le jour où il m'était apparu dans le buisson de houx. Aujourd'hui, il n'y avait personne dans le sentier. Tout était d'un vert tendre, et j'avais beau regarder entre les bouquets d'arbres, aucune blouse n'apparaissait. Je cherchais aussi des yeux le buisson, mais il était caché par les toits de la ferme. Henri Deslois y était venu plusieurs fois depuis le jour de Pâques. Je n'aurais pas su dire comment je le savais, mais ces jours-là, je ne pouvais m'empêcher d'en faire le tour. Hier, Henri Deslois était entré dans la lingerie pendant que j'étais seul. Il avait fait un geste, comme s'il allait me parler. Aussitôt, mes yeux s'étaient attachés à lui, comme la première fois, et il était reparti sans rien dire. Et maintenant que j'étais dans ce jardin, sans clôture, tout entouré de genêts fleuris, le désir me venait d'y vivre toujours. Un gros pommier se penchait à côté de moi et trempait le bout de ses branches dans la source. La source sortait du tronc creux d'un arbre, et le trop-plein s'en allait en petits ruisseaux à travers les plates-bandes. Ce petit jardin de fleurs et d'eau claire me paraissait le plus beau jardin de la terre, et quand je tournais la tête vers la maison grande ouverte au soleil, j'attendais toujours qu'il en sortît des êtres extraordinaires. Cette maison basse et sans couleur me semblait pleine de mystères. Il sortait d'elle des petits glissements brusques et irréguliers, et tout à l'heure, j'avais bien cru entendre le bruit que faisait Henri Deslois quand il posait le pied sur le seuil de la ferme de Villevieille. J'avais écouté comme si j'espérais le voir s'approcher. Mais le bruit de pas ne s'était pas renouvelé. Et bientôt, je m'aperçus que les genêts et les arbres faisaient entendre toutes sortes de sons mystérieux. J'imaginais que j'étais un jeune arbre que le vent pouvait déplacer à son gré. Le même souffle frais qui balançait les genêts passait sur ma tête et emmêlait mes cheveux. Et pour imiter le pommier, je me baissais et trempais mes doigts dans l'eau pure de la source. Un nouveau bruit me fit regarder vers la maison, et je n'eus aucune surprise en voyant Henri Deslois dans l'encadrement de la porte. Il était tête nue et les bras ballants. Il fit deux pas dans le jardin, et son regard s'en alla au loin dans la plaine.